C'est quoi ça, c'est quoi? Non, Amandine, c'est pas comme ça. C'est à qui? Je sais pas, je buvais, je lève la tête, je suis putain. Der Tee ist kalt. Wunderbar. Warum ist der Tee kalt? Er ist kalt.